Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous allons maintenant jeter un coup d'œil à la science dans son ensemble, comment elle procède, comment elle change notre vision du monde. Et pour cela, nous allons suivre un livre récemment paru aux éditions Multimonde, un livre intitulé « L'effet science, comment la démarche scientifique a changé notre vision du monde ». L'auteur en est Louis Marchildon, il est professeur de physique émérite à l'Université du Québec à Trois-Rivières et il est au téléphone avec nous. Bonjour Monsieur Marchildon. Bonjour madame. Alors monsieur Marchildon, vous ouvrez votre livre sur la Grèce antique. Alors en fait, pourquoi situez-vous l'aube de la science en Grèce antique? Oui, pourquoi en Grèce? Si la science, bien sûr, se réduisait à l'observation de la nature, elle aurait commencé bien avant les Grecs parce que les chasseurs-cueilleurs et les premiers agriculteurs devaient observer la nature pour survivre, en fait. Mais la science, c'est bien davantage que la simple observation de la nature. En fait, la science, elle vise également à expliquer et à comprendre la nature. Mm-hmm. Et ça, ce sont les Grecs qui l'ont fait véritablement de façon systématique les premiers. Les Grecs ont cherché à donner aux phénomènes naturels des causes naturelles, non pas des causes surnaturelles ou des causes qui sont dues à l'action de divinité, mais des causes purement naturelles. Okay. Un exemple, Thalès de Milet vivait environ 600 ans avant Jésus-Christ, et pour Thalès, l'eau est très importante, et Thalès pense que la Terre flotte sur un immense océan, et il cherche à expliquer les tremblements de terre par des vagues dans cet océan. Ah. Bon, bien sûr, c'est extrêmement naïf de notre point de vue, mais il n'a pas cherché à expliquer les tremblements de terre par l'action d'une divinité, par la colère d'un dieu, mais plutôt par les vagues de l'océan, par un phénomène naturel. Mmh. Donc, de ce côté-là, les Grecs ont effectivement introduit une nouveauté complètement dans notre façon de comprendre le monde. Exactement, puis ils ont introduit aussi une autre nouveauté, c'est-à-dire le débat et la discussion entre eux, parce que avant il y avait certaines explications des phénomènes naturels qu'on pouvait trouver dans des mythes, mais les mythes ne cherchent jamais à discuter l'un avec l'autre, alors que les Grecs, eux, discutent les uns avec les autres. Mm-hmm. Chacun propose son explication et chacun tente de convaincre l'autre que son explication est la meilleure. C'est ça, les mythes, on ne les remet pas en question. On les prend pour acquis, on ne les remet pas en question. Que les Grecs, là, voulaient expliquer finalement la nature par leurs observations et confrontaient leurs observations. Oui, les uns aux autres, exactement. D'accord. Et ce faisant, ils ont quand même, parce que vous parliez là de l'explication un petit peu qui nous paraît fantaisiste des tremblements de terre par les vagues sur cette mer, mais les Grecs quand même avec leurs observations sont quand même arrivés à des conclusions tout à fait valables. Ah oui, bien sûr, dans les siècles qui ont suivi Thalès, la science s'est beaucoup développée. On peut parler, par exemple, d'observation en botanique ou en zoologie. Juste un exemple, Aristote, dans ses traités de zoologie, recense environ 500 espèces différentes d'animaux, des mammifères, des oiseaux, des poissons, des insectes. Les observations astronomiques aussi ont été très poussées. Contrairement à ce qu'on pense parfois, les Grecs cultivés savaient très tôt que la Terre était ronde. Oui. Non seulement ils savaient que la Terre était ronde, mais ils connaissaient assez bien la taille de la Terre. Ils savaient que le diamètre de la Terre, que la circonférence de la Terre est environ 40 000 kilomètres. Bon, pas dans cette unité-là, bien sûr, mais ils savaient assez bien. Ils savaient même assez bien la distance entre la Terre et la Lune. Ils étaient capables de prédire des éclipses de Lune. Ils étaient capables de prédire assez bien le mouvement des planètes. Oui, c'est quand même remarquable. Bien sûr, ils se sont trompés aussi parfois. Ouais. La plupart des astronomes grecs situaient la Terre au centre de l'univers et faisaient tourner le Soleil autour de la Terre, mais on ne peut pas tout avoir du premier coup. Non, non. Ben, la science s'est ensuite développée, puis a rétabli peut-être quelques faits. Elle s'est développée en appelant ce qu'on appelle la méthode scientifique. Et j'aimerais que vous nous disiez un petit peu de quoi il s'agit, parce qu'on entend parler régulièrement, mais sans nous dire vraiment ce que c'est que cette méthode. Comment procède la science, finalement? Ben, d'abord, ce que la méthode scientifique n'est pas, ce n'est certes pas une série de recettes codifiées une fois pour toutes qu'on peut appliquer systématiquement comme ça. Je dirais que la science fonctionne, la méthode scientifique, si vous voulez, fonctionne à travers l'observation, l'expérimentation et l'hypothèse, en quelque sorte en une boucle sans fin. Je m'explique. On va Par exemple, à partir d'observations ou d'expérimentations, on va proposer des hypothèses pour tenter de les expliquer. Et ces hypothèses-là vont nous servir à prédire de nouveaux résultats qu'on va de nouveau soumettre à l'expérimentation. Et parfois, les hypothèses vont être vérifiées, parfois elles ne seront pas vérifiées. Mais à mesure qu'on avance, le but, c'est de développer des théories de plus en plus précises et de plus en plus générales. Je vous donne un exemple, la théorie cellulaire qui a été développée dans la première moitié du 19e siècle. On avait un très grand nombre d'observations biologiques et progressivement, les gens se sont rendus compte que tous les tissus biologiques, autant les tissus animaux que végétaux, sont faits à la base de petites cellules. Et à partir du moment où on a eu ce modèle-là, ça nous a permis de faire toutes sortes d'autres études et de revoir et justement de poser des questions comme la structure même de la cellule, etc. Alors, ça nous permet d'aller de plus en plus loin. On va de plus en plus loin. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que les résultats, les observations, les résultats acquis par la science ne sont pas irréfutables. Ils peuvent être remis en question par la science elle-même. Exactement. Tous les résultats de la science peuvent, en principe, être remis en question. Et ça, en ceci, la science se distingue d'autres facettes de l'expérience humaine. Bon, par exemple, la religion, particulièrement dans ces manifestations intégristes, là, où l'on ne remet pas en question jamais certains textes canoniques. Donc, la science, en fait, progresse en remettant constamment certains de ses résultats en question. Quelques exemples, un exemple relativement récent, le phénomène de l'accélération de l'expansion de l'univers. Vous savez, il y a une vingtaine, on savait depuis longtemps que l'univers est en expansion, mais on pensait jusqu'à il y a une vingtaine d'années que l'expansion de l'univers se ralentissait. Or, on a trouvé, à la surprise générale, que l'expansion de l'univers s'accélère. Donc, quelque chose qu'on croyait vraiment acquis a été remis en question. Puis, il y a quand même des acquis qui sont là pour rester. Puis, au fil de votre livre, vous développez les découvertes qui mènent vers l'infiniment petit, vers l'infiniment grand. Et donc, certains acquis, comme la structure intime de l'atome, par exemple, on ne va pas tout redéfaire là-dedans. Il y a des acquis. Effectivement, on ne défera pas probablement que la structure atomique est là pour rester, comme, mettons, l'idée d'un univers en expansion. Par contre, à mesure que l'on scrute plus profondément ou bien l'infiniment petit ou bien l'infiniment grand, bien, de nouvelles énigmes surgissent à la frontière. Dès qu'on est à la frontière, c'est l'incertitude. Oui, c'est ça. Donc, à la frontière, donc par exemple, vous parlez quand on scrute de plus en plus petit, on décortique la structure de l'atome, on arrive dans les neutrons, les quarks, et puis en dessous, on se demande si finalement, il n'y a pas encore des particules encore plus petites. Exactement. Et il y a toutes sortes de choses dont on ne sait pas vraiment, dont on ne comprend pas tout à fait. Par exemple, on ne sait pas pourquoi les masses des particules fondamentales sont si différentes les unes des autres. Pourquoi il y a beaucoup plus de particules que d'antiparticules. On ne sait pas dans l'infiniment grand l'origine de la matière sombre et de l'énergie sombre qui compte pour 95% de l'univers. On comprend mal les tout premiers instants de l'univers. Alors, dès qu'on est à la frontière, effectivement, il y a toutes sortes d'énigmes sur lesquelles on doit encore travailler. Mais on n'invoque pas un mythe ou un dieu ou une force surnaturelle pour ça. On reste humble et on continue d'user de la méthode scientifique pour découvrir ce qu'il y a derrière ces inconnus. Voilà. Monsieur Marchildon, vous êtes physicien, donc on le sent à travers votre livre parce que vous décortiquez quand même les phénomènes physiques, mais vous faites quand même place à la biologie. Oui. Ce qui m'a beaucoup intéressé à faire dans ce livre-là, c'est tenter de voir comment la science a répondu à travers l'histoire et répond maintenant à certaines des grandes questions que les humains se posent depuis toujours. Justement, d'où venons-nous? Quelle est notre origine? De quoi sommes-nous faits? Quelle est l'étendue de l'univers? Quels sont les fondements de la matière? Alors, c'est sûr que ce genre de questions-là peut toucher à plusieurs disciplines. Oui. J'aimerais maintenant qu'on en arrive au titre de votre livre. En fait, c'est un livre même qui se lit très bien, ça s'enchaîne bien. Et même si vous abordez des concepts parfois ardus comme la structure de l'atome ou l'évolution, on suit quand même bien le développement. Mais j'aimerais qu'on vienne sur le titre de votre livre, « L'effet science », donc comment la démarche scientifique a changé notre vision du monde. Donc, quel est cet effet science? De quel effet vous voulez parler? Bien sûr, l'effet le plus visible de la science, c'est la technologie. Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est comment la science a changé notre façon de voir le monde. On ne voit pas aujourd'hui, ou en tout cas beaucoup de gens ne voient pas aujourd'hui le monde de la même façon qu'il y a 2000 ans, qu'à l'époque des Grecs. Alors ça, c'est cette façon de changer notre vision du monde m'a particulièrement intéressé. Mais est-ce que c'est la façon de voir du monde parce qu'on a, c'est une nouvelle façon de voir le monde parce qu'on acquiert des nouvelles connaissances? Bon, forcément, quand on envisage que la Terre est ronde plutôt que plate, on ne voit peut-être pas le monde de la même façon. Mais où est-ce que c'est une nouvelle façon de voir le monde de par la démarche scientifique elle-même? Si j'y allais d'un point de vue plus personnel, je dirais que la science nous montre d'abord que le monde est compréhensible. Elle nous montre qu'on n'est pas le jouet de forces occultes ou de forces maléfiques. Elle nous montre qu'on a un pouvoir sur la nature et que, bon, réciproquement, la nature a un pouvoir sur nous. Et bien sûr, elle nous montre que ce pouvoir entraîne une très grande responsabilité. Mm-hmm. Mm. Et donc, au-delà de ce livre, est-ce que vous envisagez une suite? Une suite? Spécifiquement une suite à ce livre-là, peut-être pas, mais c'est possible que j'ai d'autres projets de vulgarisation scientifique éventuellement. En tout cas, s'il y en a d'autres, on aura bien hâte de les lire parce que, comme je le disais, ce livre, donc dont je répète le titre, l'effet science, comment la démarche scientifique a changé notre vision du monde, se lit facilement. C'est écrit avec des mots simples. Je rappelle qu'il est également paru aux éditions Multimonde. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur Marchildon, de nous avoir présenté votre livre. C'est moi qui vous remercie, Madame. Nous allons maintenant faire une petite pause et en retour, on poursuit sur la science à l'heure de la post-vérité. Et tout ça sur CKRL au 89.1.